ceux qui sont en aire d'information syndicale, on vous conseille d'être à l'intérieur de l'établissement et pour les personnes qui ne sont pas de l'établissement, d'être à l'extérieur de l'établissement. Je ne peux pas faire beaucoup plus que ce petit mégaphone. Désolé. Rapprochez-vous, écartez-vous d'un mètre. Vu le climat actuel de la direction, qui cherche à nous mettre à défaut pour des choses qui sont tout à fait discutables, je préfère conseiller aux gens de respecter les consignes puisque ça tape vite sur les doigts. Donc on est rassemblés aujourd'hui pour deux raisons. La première, c'est que durant le confinement et l'épidémie de Covid, on a reçu des consignes de la direction assez ahurissantes dans une situation où il y avait un manque de moyens généralisé sur le plan national et une gestion de la crise sanitaire qui était assez catastrophique. Dans un contexte de manque de masques, la direction nous a conseillé de réutiliser des masques à usage unique. Pour avoir dénoncé ça, on a des collègues qui sont aujourd'hui inquiétés et qui sont poursuivis avec menaces de sanctions disciplinaires. C'est tout à fait inacceptable. Les propos de la direction et les conseils de la direction mettaient en danger des collègues, mettaient en danger des patients. Et pour avoir alerté sur cette situation, des personnes se retrouvent aujourd'hui inquiétées. Ça n'est pas possible. Deuxièmement, ça fait plusieurs années, et notamment au Rouvray, qu'on alerte sur le manque de moyens dans la santé, notamment sur la psychiatrie, puisque c'est ce qui nous concerne ici. L'épidémie, pandémie de Covid a mis en avant les gros manquements dans la santé et un manque de moyens criant pouvant mettre en danger la population. Les réponses restent insuffisantes. On nous propose des défilés du 14 juillet, on nous propose des médailles, on nous promet des primes qui sont soumises à des conditions qui font que personne, en tout cas pas du tout une majorité de soignants, ne touchera cette prime. On est donc là pour se montrer, pour réclamer plus de moyens pour la santé. Une santé qui soit en regard des besoins de la population et non plus une santé qui soit calculée sur des chiffres, des manques de financement par des volontés gouvernementales. Ici, on va se montrer de plus en plus à Rouen, ailleurs. Et on va faire entendre notre voix pour obtenir plus de moyens pour la santé, plus de moyens dans les services publics et plus de moyens pour vivre correctement ici en France.